Ceci est un appel d'embarquement pour tous les auditeurs. Ici Radio-Canada Première, Aéro-Mexico et Aéroport de Montréal vous invitent à participer au concours « À bientôt, Mexico ». Courez la chance de gagner 2 billets d'avion aller-retour en vol direct à destination de Mexico. Pour participer, remplissez le formulaire en ligne et inscrivez l'indice « Plage ». L'embarquement prend fin le 13 mai 2018. Détails au radio-canada.ca/concours. Bon balado. Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire Laurence d'Arabie, personnage de légende et héros britannique. En Grande-Bretagne, les Britanniques, finalement, qui sont les meilleurs juges, puisque c'est quelqu'un qui appartient à leur peuple, estiment que Lawrence, avec Churchill, c'est une des plus grandes figures britanniques du 20e siècle. À quoi tient cet attachement des Britanniques pour Laurence d'Arabie, dont parle André Guillaume, qui lui a consacré d'ailleurs une biographie à l'émission Dimanche Magazine d'avril 2000? La question se pose dans la mesure où il y a plusieurs Laurence d'Arabie. Celui qui a mené la révolte des Arabes contre les Turcs à l'époque de l'Empire ottoman, au profit finalement des Britanniques et des Français. Celui qui est devenu un véritable personnage de légende, grâce entre autres au récit littéraire qu'il va faire de son épopée proche-orientale. Celui enfin qui renoncera à tous les titres et à toutes les décorations en reprochant justement à son pays d'avoir trahi son engagement auprès de ses frères de combat arabes. Jusqu'à ces dernières années, la légende a fait de Lawrence quelque chose de vraiment impressionnant. Son buste se trouve dans la cathédrale Saint-Paul, à côté de ceux de Nelson et de Wellington. Son livre, « Les sept piliers de la sagesse », est un best-seller, presque un classique, qui a donné naissance à un grand film. Comme on sait, le livre relate un épisode de la guerre de 1914-1918, soit la révolte, soutenue par les Anglais, des Arabes contre leur maître turc allié à l'Allemagne. Il raconte aussi le rôle que joua l'auteur dans cette révolte. Parmi les titres, officiels ou non, accordés à Lawrence, figure celui de colonel de l'armée britannique, de prince de la Mecque et de roi sans couronne de Damas. Titre bien mérité, puisqu'il mena, selon la légende, les Arabes au combat contre les Turcs et leur aurait donné la liberté, s'ils n'avaient été trahis, par les politiciens victorieux. Sur la musique du film Laurence d'Arabie, une musique de Maurice Jarre, vous entendiez un extrait de l'émission Document, l'émission consacrée à Laurence d'Arabie, diffusée en mai 1972, pour faire le tour des différentes facettes de ce fascinant personnage qu'est Laurence d'Arabie. Je reçois l'historienne Évelyne Ferron. Évelyne Ferron, bonjour. Bonjour. Laurence d'Arabie, ça reste aujourd'hui encore, Évelyne Ferron, l'un des grands personnages, l'une des figures légendaires du 20e siècle. Pourquoi? Pour plusieurs raisons, mais c'est sûr que, surtout avec notre regard d'aujourd'hui, quand on regarde ce qui se passe au Proche-Orient et au Moyen-Orient, il a peut-être encore plus de poids. C'est parce que c'est un personnage qui a joué un rôle inusité, je dirais, pendant la Première Guerre mondiale, qui a réussi à soulever des armées de populations bédouines qui étaient complètement nomades, semi-nomades, qui n'avaient aucune unité entre elles. Il a réussi quand même ce coup d'éclat de combattre à d'autres chameaux et à d'autres chevals l'Empire ottoman et de réussir en fait à faire tomber des positions ottomanes dans un secteur qui était vraiment complexe, qui était l'Arabie. Et il y a aussi vraiment tout le fait le personnage habillé aussi, comme les Arabes, qui reçoit les honneurs, en fait, des populations arabes, comment les médias vont commencer à porter ce personnage-là. C'est un des premiers grands personnages médiatiques à l'international et tout ça. Et on voit cet homme qui est habillé dans une mode du désert avec l'espèce de coutelas sur le côté qui a un regard pénétrant, même en noir et blanc, son regard passe à travers la photo. Donc, je dirais qu'il y a le côté, les actions politiques et militaires exceptionnelles dans un climat désertique, il est robuste pour passer à travers tout ça, mais il y a aussi ce que, médiatiquement parlant, il va dégager comme exotisme. Aussi. Et puis, ce flair qu'il avait, cette connaissance de la région, vous l'évoquez un petit peu, mais quand on regarde ce qui se passe dans cette région du monde, on peut se dire, c'est facile maintenant avec le recul, mais qu'il avait peut-être compris ce que les leaders politiques qu'il accusera un peu de l'avoir trahi n'ont pas compris. Mais ça, on y reviendra au fil de l'émission. Un petit mot quand même, avant d'aller plus loin, sur d'où il part, Laurence d'Arabie. C'est toujours intéressant de le savoir. À quel milieu appartient-il? Elle vient d'un milieu d'une noblesse qu'on appelle britanno-irlandaise. En fait, à l'origine, ce sont les Chapman, mais son père tombe amoureux d'une servante et là, ben, oups, disgrâce, et déménage du côté de l'Angleterre avec ses enfants, avec la famille, où là, ils vont prendre le nom de Lawrence pour se distinguer, se détacher justement de la lignée un peu plus aristocratique pour ne pas l'entacher. Où il a quand même une vie très agréable. C'est un jeune homme très intelligent, passionné d'histoire et très vite, ça y est, il passe par le cursus qui va le mener à l'Université d'Oxford. Il va commencer à faire ses études en histoire et en archéologie. Pendant, en fait, ses études, qu'on pourrait appeler aujourd'hui doctorales, il va voyager. Donc, lui, ce qui l'intéresse, c'est les croisades, c'est le désert, c'est déjà le Proche-Orient. Et il va voyager en Palestine un petit peu partout pour voir les ruines, les vestiges. Et il s'intéresse à l'architecture au début, l'architecture un peu arabe de ces pays-là. Mais très rapidement, il va commencer à faire des fouilles sur les premières civilisations antiques qui ont peuplé la Mésopotamie et tout ce qu'on appelle le couloir syro-palestinien. Et apprendre, commencer à apprendre les rudiments de la langue aussi. Oui, parce que là, tout dépendant, parce qu'il fait plusieurs voyages quand même, à un moment donné, il réalise que s'il veut être capable de voyager dans le désert pour aller voir certaines ruines ou certains vestiges, il doit pouvoir parler la langue. Alors effectivement, il va avoir cet avantage, alors qu'on ne sent pas encore qu'une guerre s'en vient, de maîtriser une langue qui deviendra un enjeu quand même assez important. Donc la maîtrise de l'arabe, effectivement, va lui donner un atout supplémentaire, mais cette connaissance du désert qu'il est en train de développer en se promenant un petit peu partout. Donc, il commence à pouvoir s'orienter dans le désert. Ouais. Il sait comment survivre à la chaleur. Il sait comment s'en protéger. Alors, il commence à acquérir, en fait, des connaissances qui vont en faire, en fait, un agent militaire assez exceptionnel. Ben voilà, parce que les Britanniques vont repérer ça, vont se dire, il y a là quelqu'un qui connaît très, très bien la culture de la région, la langue, les us et coutumes, et on va le recruter au bureau arabe du service de renseignement. Ça veut dire quoi? Il arrive là à peu près quand, mais qu'est-ce qu'il va faire là? Est-ce qu'on peut parler carrément d'espionnage? Pas au début, il bouge. Donc, à partir de 1914, sans être nécessairement, le bureau arabe n'est pas encore vraiment en fonction, mais il est déjà embauché par l'armée britannique pour faire ce qu'on appelle de l'exploration de la Palestine. C'est supposé être archéologique, mais dans les faits, ce qu'on veut, c'est les relever des points d'eau, c'est les chemins de fer des Ottomans. Ouais. Ça, c'est l'enjeu numéro un. Mais où sont les points d'eau? Où est-ce qu'on peut s'arrêter? Est-ce qu'il y a du pétrole aussi à quelques endroits? Donc, des informations géostratégiques. Voilà. Donc, il fait sa job d'archéologue, mais en même temps, il est en train de fournir quand même des renseignements aux Britanniques sur les régions, les territoires où il se promène. Et puis, on va lui donner des missions, le fameux prince Faisal. On va lui dire, on veut qu'il entre en contact avec lui, qu'il apprenne à le connaître. Qu'il apprenne à le connaître. Là, on est rendu en 1916. Là, on réalise que les Arabes détestent les Ottomans. Ils les violentent. Ils les ont limités beaucoup sur leur territoire par rapport à la péninsule arabique. Il y a une haine par rapport à ce qu'ils ont fait dans le secteur de la Mecque. On s'entend qu'on a quand même des bédouins, mais qui sont de confession musulmane. Alors, les Britanniques réalisent qu'on peut utiliser cette haine-là pour les amener à la révolte. Et c'est ce qui explique la création du bureau arabe en 1916 et qui fait que là, on peut dire qu'il veut vraiment travailler pour l'armée. Alors là, sa mission, c'est vraiment de devenir un agent de liaison. Alors, il va devoir se promener partout. Il se promène vraiment sur une très, très grande distance. Il va aller faire tous les secteurs de la péninsule arabique, donc Médine, la Mecque, etc. Mais après ça, il va, à partir de l'Égypte, remonter, va s'en aller dans les secteurs de la Mésopotamie qui sont aujourd'hui, bon, l'Irak, l'Iran. Il se promène partout et il essaie de parler à tous les clans arabes pour se dire, si vous osez travailler ensemble, là, de concert, non seulement vous allez pouvoir chasser les Ottomans par vous-même, vous ne mettrez pas ça sur le dos des Britanniques. On aime plus ou moins les Britanniques parce qu'ils ne sont pas de confession musulmane, on n'aime pas comment ils gèrent certaines choses. Il dit, ben, soyez la force, vous êtes plus de 20 millions si vous vous mettez ensemble, qui pouvaient renverser les Ottomans. Et c'est pour ça qu'il va chercher Faisal et son frère Abdullah. C'est qu'il sait que ce sont des personnalités qui sont quand même assez appréciées, mais ça reste quand même, je dirais, un peu un géopardi, cette histoire-là, parce que quand on parle de 20 millions de personnes, il y a tellement de populations différentes avec des conflits qui remontent des fois à longtemps. Sa mission, c'est vraiment de réussir à créer cette unité-là, de monter une armée arabe. Il va le faire. Il va être déterminant, en fait, dans ce qui sera le soulèvement des Arabes contre les Turcs au Proche-Orient. Mm-hmm. On écoute à nouveau André Guillaume, auteur d'une biographie sur Lawrence d'Arabie, parler de tout ça à l'émission Dimanche Magazine en avril 2000. Je pense que Lawrence a tiré le maximum des moyens qui lui étaient donnés par la puissance britannique et qu'il a considérablement aidé avec les Arabes qu'il a soulevés, les deux offensives du général Allenby en Palestine qui a abouti à la prise de Jérusalem d'abord et à la prise de Damas ensuite. Mmh. Il avait, si vous voulez, une formidable capacité d'absorption. Il avait été archéologue, ethnologue, cartographe, agent d'enseignement, linguiste aussi, puisqu'il a appris l'arabe syrien, puisqu'il savait parfaitement le français, ayant été élevé en partie en France. C'était un homme de génie. Quand il était enfant déjà, on dirait aujourd'hui qu'il était surdoué. Alors, quelle importance et quel rôle il va jouer, Laurence d'Arabie, dans ce soulèvement? André Guillaume dit qu'il va faire le maximum avec les moyens que vont lui fournir le Royaume-Uni. Mais quel rôle il va jouer dans le soulèvement des Arabes contre les Turcs? Bien, il réussit à les unir. Ça, c'est quand même assez remarquable. Il réussit aussi à faire comprendre à certaines populations que Faisal est peut-être celui qui est le plus apte à les amener à une victoire. Parce qu'il regarde, il dit « Oui, le chef militaire arabe dont j'ai besoin, et c'est chez Faisal qu'il le trouve finalement. Mais ce qui se passe aussi, c'est qu'il connaît le désert, il connaît les régions, la géographie, mais il connaît aussi l'armement britannique. On va former les Arabes à pouvoir tirer de la mitrailleuse. On va les former aussi à pouvoir faire des explosifs. Parce que l'objectif, c'est de faire sauter les rails des trains ottomans. Mm-hmm. Et là, c'est la force, en fait, de Laurence. C'est qu'il adore les explosifs. Beaucoup trop, en fait, il ruinait presque l'arsenal britannique parce qu'il adorait mettre des bombes cerises avec ses amis arabes contre les rails. Et ça faisait... ça tordait, en fait, les rails. Et les trains déraillaient. Les Arabes pouvaient piller les trains à ce moment-là, mais c'est sûr que le train ne se rendait jamais à destination. Et surtout, il est réputé pour avoir été capable de pouvoir faire des attaques dans le désert à dos de chameaux et de chevaux. Ça marche. Ils vont avancer. En fait, les Turcs sont chassés. Ils vont prendre... Jérusalem va tomber. On reprend la Mecque. Ça, c'était le numéro un. Une fois que Laurence réussit à reprendre la Mecque, là, les Arabes ont confiance en lui. Ouais. Ça, c'est l'étape numéro un avant même Jérusalem. Ça, c'était l'endroit où on devait vraiment libérer. Et là, à partir de ce moment-là, Laurence va quand même pouvoir demander, à un moment donné, il va chevaucher longtemps pour atteindre le Caire tout seul, dans des conditions extrêmes, pour dire, OK, là, j'ai besoin d'avions, là, j'ai besoin de la marine et j'ai besoin d'équipement. Et l'armée britannique dit, t'as réussi à libérer le secteur de la Mecque, tu vas avoir tout l'armement que tu veux. Donc là, les Arabes sont un peu plus ouverts aussi à l'appui britannique, mais il arrive donc effectivement à libérer toutes ces régions-là en travaillant avec les populations arabes. Ce sont eux qui ont fait ça. Et c'est pour ça que Faisal se dit, toi, là, habillé avec un uniforme militaire comme ça, t'es vraiment trop visible, t'es facilement reconnaissable, t'as tes cheveux blonds, t'as les yeux bleus. Et c'est là que Faisal décide de lui donner ce costume qui lui fait ressembler à un prince d'Arabie aussi. Il va lui être utile. Ça va lui sauver la vie, en fait. Oui, voilà. Il va se fondre dans la masse et ça va lui donner des chances extraordinaires. Ouais. Évidemment, l'espèce de pacte, c'est suivez-moi, je vous aide à vous libérer de l'emprise de l'Empire ottoman, de chasser ces Turcs, et ça tombe, là. Ils reprennent tous les pays. Damas aussi, on a parlé de Jérusalem. Damas va tomber. L'objectif final, oui. Voilà. Donc, c'est grande victoire, victoire militaire, mais toujours avec cette espèce de promesse que tout ça leur appartiendra à ses amis arabes. Ouais. Venons-en donc tout de suite à cette fameuse récupération par les Français et les Britanniques de ce travail que fait Laurence d'Arabie sur le terrain. Je vous propose d'écouter un extrait du film Laurence d'Arabie, réalisé par David Lean en 1962. La fameuse scène où Laurence d'Arabie cherche à savoir si les Britanniques ont des ambitions politiques et territoriale au Proche-Orient. L'Arabie est aux Arabes maintenant. C'est ce que je leur ai dit en tout cas. Et c'est ce qu'ils pensent. C'est pour ça qu'ils se battent. Oui, c'est sûr. Ils se méfient d'une chose pourtant. Les laisserons-nous expulser les Turcs de chez eux pour y venir nous-mêmes ensuite? Je leur ai affirmé qu'ils n'auraient pas à le craindre, que nous n'avions pas d'ambition en Arabie. En avons-nous? Je ne suis pas un politicien, grâce à Dieu. Avons-nous des ambitions en Arabie, Dryden? Question délicate, mon général. Il faut que je sache si je peux leur affirmer en votre nom que nous n'avons pas d'ambition en Arabie. Certainement. Que sait Laurence d'Arabie sur les intentions des Britanniques et des Français, Évelyne Ferron? Dans quelle mesure, au fond, il est utilisé dans cette opération de soulèvement des Arabes contre les Turcs? Il est utilisé parce qu'il réussit. En fait, les Anglais, les Français, assez graduellement, avec l'intérêt pour le pétrole, c'était dit, si on gagne contre les Ottomans, on se divise le territoire. Donc, il y avait des intérêts très économiques en arrière de tout ça, pétroliers, entre autres. Laurence n'est pas au courant de rien de tout ça, parce que quand il est avec les Arabes, il est dans le fin fond du désert, il ne voit pas, en fait, la joute politique. Quand il demande du matériel, l'Angleterre fournit parce qu'il gagne. Pologne. Mais là, à un moment donné, il rentre au Caire, puis il dit, bon, ben là, on s'enligne vers une grande victoire. On s'en va vers une nation arabe, hein, c'est ça qu'on avait promis. Et là, il sent l'hésitation. Il voit que ça sera probablement pas ce qui va se produire. On commence à lui dire que, ben là, avec les Français, on a eu tellement de pertes qu'il va falloir récupérer certains territoires. Faisal a l'air d'un bon personnage, mais peut-il vraiment avoir sous sa gouverne autant de population? Ouais. La péninsule arabique, le secteur de l'Égypte, puis là, quand on s'en va vers Damas et tout ça, c'est des secteurs qui sont très différents les uns des autres. On joue un peu avec les mots. Et là, il réalise que ces victoires, c'est pas tant qu'on l'a utilisé, mais qu'on va profiter de ces victoires pour créer des nouveaux pays qui seront sous la gouverne des Français et des Anglais, qu'on va séparer finalement ce qui va devenir le Moyen-Orient. Ouais. Puis il y a deux... ça va se vivre donc graduellement, cette prise de conscience pour lui. Ça va se vivre aussi par l'entremise de conférences. Il y aura la conférence de Paris, d'abord. Oui. Là, il sera un peu sous le choc. Il comprend que... Rien ne marche. Rien ne marche. Il y a un petit peu d'espoir qui suit ça. Churchill le récupère. Le récupère. Et lui, il demande de rentrer en Angleterre. Il s'en va, puis il dit, là, avec ce que vous faites là, moi, je me dégage de ça complètement. Ouais. Puis il est déprimé. Et là, Churchill le ramène pour la conférence du Caire en 1921. Il dit, écoutez, toi, tu vas être mon conseiller. Là. Ouais. Il dit, t'as vécu tout ça. Il dit, je veux comprendre. Et grâce à ça, au moins, il réussit à mettre Faisal sur le trône d'Irak avec la collaboration de Gertrude Bell, qui a travaillé très fort de ce côté-là. Ouais. Et on va mettre le frère de Faisal, Abdullah, sur le trône de Jordanie. C'est la petite victoire de Laurence d'Arabie après tout ça. Mais quand il regarde tout le territoire de la Syrie, ce qui va devenir la Syrie, le Liban, ça, c'est sa dépression totale. Ouais. Il retourne en Angleterre. Il se dit, ben là, ça y est, moi, j'en ai terminé. Ouais. En fait, c'est la catastrophe pour lui. Il le vit très, très mal. Oui. Il vit ça comme une trahison, carrément, de la part des Britanniques et des Français. Mm-hmm. On écoute à nouveau le biographe de Laurence d'Arabie sur ce point précis, André Guillaume, au micro de Ginette Lamarche, le 2 avril 2000. Est-ce qu'il ne s'est pas senti responsable de la trahison des Britanniques et des Français qui n'ont justement pas accordé l'indépendance aux Palestiniens? Votre question est excellente. Il s'est senti responsable, mais au fond, il ne l'était pas responsable. Il s'est senti responsable parce que, comme je vous dis tout à l'heure, il avait une sensibilité d'écorché, il était d'origine extrêmement puritaine et sa morale était très élevée. Il avait une sorte de délire de pureté et de loyalisme à l'égard de ses amis et particulièrement à l'égard des Arabes. Mais il faut bien dire une chose, s'il avait pris parti pour les Arabes, par exemple, en soutenant des soulèvements arabes, soit contre son pays, soit contre les Français, il aurait été un traître. Et ça, il n'en était pas question. Il n'a jamais été renégat. Il n'a jamais été renégat en politique. Il n'a jamais été non plus renégat en religion. Il a gardé l'éthique puritaine et protestante de son origine. Et alors, il a souffert parce qu'il a pensé qu'il avait été le complice des hommes politiques roués, des Lloyd George et des autres, qui ont trompé les Arabes. Et ce sentiment de culpabilité, Evelyne Ferron, ça, c'est assez fascinant. Va faire que Laurence d'Arabie, effectivement, va retourner au Royaume-Uni, mais va renoncer à tous ses titres, à toutes ses décorations. Parce que, justement, il considère que c'est une fraude. Il redevient simple soldat. Oui, mais il y a un problème avec ça. Il est tellement populaire que même s'il a changé de nom, il a même changé son nom pour pouvoir travailler dans l'aviation et tout ça, mais on finissait toujours par le reconnaître. Et à un moment donné, même l'armée lui dit, écoute, la retraite, je pense que c'est une bonne idée parce que ça créait des difficultés. Ouais. Mais ça montre qu'il est vraiment mortifié. Il se sent... C'est un échec pour lui. Ce pourquoi il a travaillé s'est effondré pour des motifs politiques qu'il ne contrôlait pas. Il n'a pas vu venir ça, lui, à l'époque. Mais il y aura une autre vie. Ça participe au mythe de Laurence d'Arabie. On termine l'émission là-dessus. Et cette autre vie, c'est entre autres beaucoup par l'écriture que ça va passer. On écoute d'abord l'historien André Champagne à l'émission Pourquoi pas dimanche du 16 mai 2004 qui nous parle du livre Les sept piliers de la sagesse, mais aussi beaucoup, vous allez voir, du mythe du personnage que va devenir Laurence d'Arabie. Il ne faut pas prendre ce livre-là comme véritablement un livre d'histoire. C'est de l'épopée, il se donne un très beau rôle, il parle évidemment, il joue le rôle d'un ethnologue, d'un anthropologue, mais ça se veut d'abord et avant tout un monument littéraire. Et au moment où il travaille sur ce projet-là, alors qu'il enseigne à l'Université d'Oxford, il y a un journaliste américain, Lowell Thomas, qui lui a compris que Laurence, c'est un personnage médiatique. Alors il va organiser une série de conférences aux États-Unis et en Europe, qui vont attirer pas moins de 4 millions de personnes en l'espace de 10 ans. Et c'est lui qui va lancer le nom de Laurence d'Arabie. Comme Laurence a pris beaucoup de photos pendant toute la durée de la révolte arabe, il va alimenter ses conférences de ces photos-là. Il va demander à Laurence d'accélérer la publication de son livre sur les sept piliers de la sagesse. Mais toute la légende, si on veut, de Laurence d'Arabie, c'est l'œuvre de ce journaliste américain, Lowell Thomas, qui a vraiment réaliser. Créer le personnage. Créer le personnage. Ouais. De quoi est donc faite cette légende, ce personnage que va devenir Laurence d'Arabie et Evelyne Ferron? C'est le prince du désert. Oui. Alors, Lowell Thomas, en fait, va aussi le prendre en photo en Arabie, parce que c'est pas juste après, il l'avait rencontré auparavant à Damas et tout ça. Il voit cet homme-là, puis il fait comme oh, « Mais c'est qui ça? » c'est là que les Arabes vont lui dire « C'est en fait celui qui nous aide, qui nous a aidé à gagner nos victoires et tout ça. » Puis on le considère en fait comme un roi d'Arabie sans couronne. Ça lui a été dit, oui. Ça. Et là, il va créer ce personnage-là, donc de toute pièce. Et là, ça devient Laurence d'Arabie. Là, les photos commencent à circuler. Le fameux film en newsreel va être un succès, ça c'est sûr. Mais on voit cet homme aux yeux bleus perçants. Et même en noir et blanc, on le sait qu'il n'a pas les yeux foncés. Là, ça, il transperce l'image. Habillé avec ses costumes blancs, immaculés, avec l'arme sur le côté. Je veux dire, il est d'un exotisme tout à fait exceptionnel. Alors, il devient vraiment l'incarnation du prince du désert qui est supposé libérer les Arabes pendant la Première Guerre mondiale. Donc, c'est un héros. Ouais. Et puis, il y a ce monument littéraire, disait André Champagne, mais ce livre important, il écrira quelques livres, mais entre autres, et surtout, les sept piliers de la sagesse, ça va participer aussi au mythe que va devenir Laurence d'Arabie. Quelle importance a ce livre-là? Au début, il a eu l'importance de contribuer effectivement un peu au mythe de Laurence, parce que c'est sûr qu'il parle au jeu, et c'est vraiment ses opinions, mais en même temps, en fait, pour lui, c'était une vengeance contre les Britanniques et les Français pour dire voilà ce qui s'est passé. C'est tout ce qui lui reste. Oui, et c'est de sa façon de dire ce que vous êtes en train de faire avec le Proche-Orient, avec la création des nouveaux pays, il le dit, là. Vous en allez vers une catastrophe parce que vous ne respectez pas les frontières naturelles, vous ne respectez pas les chicanes de clans. Ça, il le dit très clairement, là. Et vous allez payer pour ça. Et ce livre-là, au départ, effectivement, on ne le voyait pas comme un livre d'histoire, mais là, présentement, l'archéologie est en train de lui donner raison. Alors, il raconte certaines batailles. Et là, récemment, en Jordanie, on a trouvé des balles, des armes qui étaient utilisées à cette époque-là. On était capable de les dater, on était capable de les associer aux armes britanniques. Et on réalise que, alors qu'il disait qu'il se battait à tel endroit en Jordanie, on croyait que c'était impossible parce qu'il faisait trop chaud. Il y a des fouilles archéologiques présentement qui sont en train de démontrer qu'il avait raison. Oui. Alors, il va peut-être être un plus grand ouvrage d'histoire que ce qu'on avait pensé auparavant. Et c'est un livre qui est une référence, là, oui. qui est un best-seller. Ce livre-là s'est vendu et c'est un classique. Oui, puis encore aujourd'hui, lisez-le avec vos yeux de contemporain. Regardez ce qui se passe en Syrie. Puis je veux dire, ce livre-là est visionnaire d'une certaine façon. Oui, c'est un best-seller. C'est un best-seller qui fait découvrir un monde que les gens ignoraient complètement. 20 millions de populations arabes divisées en clans nomades, semi-nomades, qui vivent un mode de vie complètement différent, mais qui ont des codes d'honneur. Parce qu'il n'y a pas de racisme chez Laurence d'Arabie. Là. Il les traite vraiment comme ses égaux, comme ses frères. Et ça, c'est rare. Ouais. Et ça aussi, ça a contribué, je dirais, à la grandeur du livre, parce qu'on se dégage un petit peu du côté péjoratif qu'on a de ces populations-là, souvent. Il meurt tellement... Oui, ça fait sourire, parce qu'il meurt tellement bêtement. En 1935, cet homme-là, qui a eu une vie absolument extraordinaire, faite d'aventures, qui a frôlé la mort je ne sais pas combien de fois. Ah, il y a eu la dysenterie, la malaria, lui, dans la vie. Il meurt d'un bête accident de motocyclette. Oui. Est-ce possible, Evelyne Ferron? Oui. Oui, c'est qu'est-ce qui se passe? Ben, en fait, il est à moto, il roule dans le Dorset à grande vitesse parce qu'il aimait la vitesse. C'est quelqu'un qui aimait quand même les sensations fortes. Et il y a deux petits garçons en bicyclette et là, il les voit, il descend une côte et là, il veut les éviter puis il pogne un arbre. Je veux dire, comme un planchiste ou un skieur peut occasionnellement manquer son coup et prendre un arbre. Aussi bêtement que ça. Aussi bêtement que ça. Six jours de coma et ça y est, à l'âge de 46 ans, le 19 mai 1935. Une légende mourait. Laurence d'Arabie meurt, est inhumé dans une petite église très modeste, mais avec cet uniforme, le gisant est très Laurence d'Arabie, il faut le dire, il n'aurait probablement pas apprécié, mais il a une mort, même les funérailles sont très simples. On voit qu'à la fin de sa vie, il voulait être en dehors de la sphère publique et de l'œil public. Evelyne Ferron, c'était passionnant, historienne, habituée de l'émission, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante, histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.